De l'université de Laval au Canada, à Québec. Voilà, et elle va intervenir aujourd'hui sur une approche qu'on pourrait dire sur les métaconnaissances autour de l'audit, qui est une activité experte qu'on pratique très souvent dans le cadre de l'ergonomie, de l'expérience utilisateur, de l'architecture d'information. Et donc elle va présenter une approche vraiment d'analyse autour de des ouvrages, des écrits qui peuvent exister sur le sujet. Voilà. Isabelle, c'est à toi. Merci. Donc, bonjour. Ah, comme ça va? Vous m'entendez bien? Oui? OK. Donc, je vais faire mon possible avec ma grippe, mon accent québécois, pour que vous puissiez bien comprendre. OK. Donc... Bon, comme on l'a dit, je m'appelle Isabelle Spirano, je suis enseignante-chercheure à l'École normale supérieure de Lyon, ici, à l'ENS de Lyon, dans le programme de master en architecture de l'information depuis septembre, mais je viens de l'Université Laval à Québec, dans la ville de Québec, où j'ai fait ma thèse en architecture d'information. Donc, aujourd'hui, je vous présente une partie de mes résultats de thèse, pas tout au complet, sinon on aurait été ici encore la semaine prochaine. Donc, quelques éléments là, qui me paraissaient les plus pertinents, les plus intéressants pour vous. Donc, on va s'intéresser à... Est-ce que je vous cache ou vous voyez bien? Bon, je ne suis pas très grande non plus. Là. On va parler de l'audit de contenu en architecture d'information. Juste pour savoir, qui a déjà réalisé des audits de contenu, des inventaires de contenu? Levez la main. Oui, les étudiants, là, j'espère que vous allez tous lever la main. Oui. D'accord? OK. Donc, quelques autres personnes aussi. Donc, je débute cette présentation-là en vous expliquant pourquoi je suis venue à m'intéresser à une méthode d'évaluation des contenus comme ça. Pourquoi je m'intéresse à l'audit de contenu? En fait, c'est que j'enseigne l'architecture d'information depuis plusieurs années, à la maîtrise en design d'interaction à l'Université Laval au départ, et puis là, cette année, au master en architecture d'information. Et puis, avec les étudiants, on travaille à évaluer des grands sites web, des sites web de grande ampleur. Donc, ça demandait premièrement d'évaluer l'existant, et puis de trouver des problèmes, bon, etc. Et puis, une des méthodes qu'on met de l'avant pour ça, la méthode, en fait, qui est souvent utilisée, c'est l'audit de contenu. Et puis, quand on donne un cours, on se dit, mais je vais regarder tout ce qui se dit, je vais être sûre de ne pas dire n'importe quoi. Puis là, mais plus je lisais, à chaque fois, je voyais des nouvelles choses qui apparaissaient. Je me disais, oui, mais il me semble qu'il y a certains manques. Il me semble qu'il y a certains éléments qui sont intéressants, mais qui sont dispersés un petit peu partout. Puis en même temps, je suis en train de travailler sur ma thèse, je suis en train de voir comment est-ce qu'on fait de la recherche en architecture d'information, à quoi on peut s'intéresser quand on fait de la recherche en architecture d'information. Puis bon, j'ai fait 1+1, je me suis dit, je pense que là, il y a vraiment quelque chose qui peut être utile à la fois pour la recherche en architecture d'information, pour l'enseignement de l'architecture d'information et pour la pratique. Donc, je me suis dit, je vais m'intéresser à cette méthode-là, je vais essayer de voir qu'est-ce qui se dit, comment est-ce que c'est dit, quels sont les manques, quelles sont les faiblesses, quelles sont les opportunités pour améliorer cette méthode-là qui est au cœur de l'approche, d'une approche d'architecture d'information. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais vous présenter quelques éléments fondamentaux de l'architecture d'information. Bon, il y a beaucoup de monde, vous allez savoir surtout les premiers éléments, mais c'est important pour comprendre la suite, comprendre les résultats. Ensuite de ça, je vais vous décrire rapidement l'audit de contenu, ce que c'est. On va regarder qu'est-ce que c'était mes objectifs de recherche, ma méthodologie, comment j'ai fait rapidement pour aller chercher toutes mes données. Et puis, la partie la plus importante, la présentation de certains résultats. Donc, un portrait de mon corpus, les plus grandes caractéristiques de l'audit, les protocoles, donc les étapes pour réaliser cette méthode-là, et puis les critères qu'on utilise dans le cadre de cette méthode-là, puis brève conclusion. Donc, vous avez tous déjà vu surtout la première définition hein, de Morville et Rosenfeld. Là, j'ai pas mis, j'étais contente de voir la définition de Richard Silverman au début dans la vidéo là, qu'on a vue, qui est le précurseur, le père de l'architecture d'information, qui lui a eu la première définition de l'architecture d'information. Mais disons que ça, c'est la définition qui est plus classique. La définition de Morville et Rosenfeld, où on s'intéressait, là, c'est 2006, mais la première définition, c'était 98, qui ressemble à ça ici, où on s'intéresse, on dit que l'architecture d'information s'intéresse à l'organisation, la recherche, la navigation sur des, ce qui est important, sites web, intranet. OK. Donc, on se limite à un canal d'information qui est le site web. Dans les définitions qui sont plus récentes, Resmini-Rosati, que vous connaissez peut-être, là, on se recule un peu et puis on dit c'est une pratique professionnelle, déjà intéressant aussi, c'est un champ de recherche, OK, donc maintenant c'est des professionnels, mais c'est aussi un champ de recherche qui s'intéresse à résoudre des problèmes d'accès, d'utilisation d'une grande quantité d'informations. Donc là, on nomme pas de canal précis, on est plus loin que seulement le site web. On va s'intéresser aussi à toutes sortes d'autres canaux d'information, que ce soit les réseaux sociaux, l'infolettre, des canaux d'information physiques comme le dépliant ou bon. Donc, on va s'intéresser à tout ça pour que notre utilisateur soit capable de d'accéder, mais aussi de comprendre, d'utiliser l'information. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'intervention de l'architecte d'information est à plusieurs niveaux. Donc, certains des étudiants ont vu mes petits schémas. Et puis, on a nommé ces différents niveaux-là qui étaient très peu nommés dans les différents des écrits d'architecture d'information. On parle de différents types de structure où l'architecte d'information va pouvoir intervenir. Premièrement, il va intervenir sur la microstructure, donc c'est-à-dire la page, les différents éléments de la page, la relation entre les différents éléments de la page. Il y a quelques années, la page, c'était l'unité minimale de sens qu'on avait sur le web. On avait une page web, c'était ça l'élément qui était indépendant, ou qui était notre unité minimale de sens. Depuis quelques années, on le sait, avec la diversification des modes d'accès à l'information, avec l'arrivée des réseaux sociaux, mais l'unité minimale est plus petite que ça. C'est-à-dire que chaque élément de la page va avoir une certaine indépendance et puis va pouvoir s'adapter en fonction, bon, idéalement, des différents outils qu'on va utiliser, donc avec le web responsive ou adaptatif en français. Aussi, on va réutiliser les mêmes contenus qui vont être à la fois sur le site web, ils vont être aussi sur le réseau social, ils vont aussi apparaître dans l'infolettre de l'organisation. Donc, notre unité minimale n'est plus le site web, mais des modules d'information ou l'information comme telle. Donc, l'architecte d'information est encore plus important ici même qu'il l'était avant, où là, comment est-ce qu'on place ces informations-là dans cette microstructure-là. Ensuite de ça, on va s'intéresser à, de façon classique, la relation entre les pages, entre les différentes microstructures existantes, et puis ils vont s'intéresser à ce qu'on appelle la macrostructure. C'est le cœur de l'expertise de l'architecte d'information. Et puis, bon, il va essayer de faciliter le parcours à travers ces pages-là. Ensuite de ça, donc là, les deux premiers éléments, c'était plutôt la vision un peu classique hein, de l'architecture d'information. Mais il va s'intéresser aussi maintenant, l'architecte d'information, à ce qu'on a appelé la suprastructure. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que on s'intéresse à la relation entre les différents sites web, entre un site web enfant et son parent. Et peut-être que ce site web-là peut être d'autres sites web qui sont enfants. Donc, des structures qui sont de sites web qui sont enchâssés les uns dans les autres. On voit souvent ça sur des très gros systèmes, des très gros sites web gouvernementaux, sites web d'université, par exemple, où on va voir le site web de l'université Ensuite de ça, en dessous, hiérarchiquement, on va avoir, bon, je ne sais pas exactement en France comment ça fonctionne encore, mais disons, au Québec, on a les sites web de faculté. En dessous de ça, on a les sites web de département, ensuite les sites web de programme, puis après ça, mais parfois les cours. Donc, on a toute une structure de sites web qui est enchâssée comme ça les uns dans les autres. On va le reconnaître souvent qu'une structure comme ça, parce qu'on va mettre, on va mettre un bandeau qui reste toujours, toujours le même, peu importe dans quel niveau de structure on est. Puis on essaie d'établir une certaine cohérence. Je dis bien on essaie parce qu'on est en plein là-dedans, là, essayer de rendre cette structure-là plus, plus facilement compréhensible. Parce qu'au départ, l'architecte d'information voyait ça avait son site web et puis voyait plus ou moins les relations entre les autres sites. Bien évidemment, le site web, c'est pas assez. Il va s'intéresser à ce qu'on a appelé l'interstructure. Donc, ce qui est le site web et ses autres canaux autour de lui qui gravitent autour. Réseaux sociaux, infolettres, comme je disais tout à l'heure, dépliants et tous les autres canaux d'information qui sont en relation avec mon site web. Est-ce qu'il y a des contenus qui vont être réutilisés? Je pars de mon contenu, où est-ce que ça va, où est-ce que tous ces contenus-là vont être publiés? Est-ce que j'ai des vidéos qui vont se retrouver sur YouTube, mais aussi qui vont se retrouver sur mon site web? Donc, établir une cohérence dans tout ça, ce qui n'est pas une chose simple. Donc, beaucoup d'architectes d'information maintenant travaillent avec tout cet écosystème-là. Exemple, bon, c'est ça, de différents canaux d'information possibles. Il en existe pas. Ensuite de ça, en fait, quand on travaille pour une organisation, on va s'intéresser aux communications de canaux informationnels, aux moyens de communication de cette organisation-là. Okay? Donc oui, son site web, ses réseaux sociaux, tout ça. Mais l'utilisateur, lui, qu'est-ce qu'il veut? Souvent, il veut trouver une information, il veut utiliser quelque chose, une quête quelconque plus ou moins claire dans sa tête, et puis il veut utiliser votre information ou l'information d'un autre. Donc lui, que ce soit sur un réseau social, que ce soit sur votre site web, que ce soit dans les éléments de suprastructure, peu importe, lui, ce qu'il veut, c'est trouver, cheminer à travers différents sites, pas nécessairement tous vos canaux à vous. Il va y avoir une navigation qui va se passer à travers toutes sortes d'organisations, toutes sortes de sites web, toutes sortes à travers même des conversations avec des amis pour réussir à faire du sens avec ce qu'il cherche et trouver son information. Donc, ça veut dire que nous, comme architectes d'information, on doit aussi s'intéresser à bon, ce qu'on a appelé l'exostructure, avec l'idée de l'exosquelette, donc ce qui est à l'extérieur de notre organisation, mais qui pourrait être intéressante et puis pour notre utilisateur. Je pense par exemple à toutes des sites web qui ont des contenus connexes. Par exemple, au Canada, on a différents ministères et puis on a par exemple le ministère des Migrations. On a un ministère qui est fédéral, donc qui est le Canada, et puis on a un ministère qui est québécois. Okay? Donc, ces deux-là se parlent à peu près, mais en fait, quand on a besoin d'aller chercher un visa pour étudier au Québec ou pour aller travailler au Québec, on a besoin premièrement d'aller sur le site web du ministère de l'immigration du Québec pour avoir certains papiers, puis après ça, il faut faire aller travailler, aller naviguer, aller comprendre le système du ministère de l'immigration du Canada. Donc, c'est important qu'il y ait une relation ou qu'il y ait au moins une compréhension des contenus de l'un et de l'autre pour faciliter le passage. Donc, toujours de plus en plus compliqué. Hein? Contrôle de moins en moins, rendu à l'exostructure, c'est assez complexe. Mais bon, c'est ça notre travail, c'est ce qui fait la beauté des choses. Tout ça, c'est très intangible. Là, on est dans la thématique de l'invisible, de rendre les choses visibles. Mais là, on est dans un travail qui est très intangible. Ça se révèle pour l'utilisateur, ça devient, disons, je ne sais pas si on peut dire tangible, mais ça devient concret, nos structures qu'on a tenté de développer, mais au gré de sa navigation à travers, à travers notre structure, à travers nos choses. Donc, en fait, une bonne partie de notre travail, à nous, pour être en mesure de bien comprendre ce qu'on a comme contenu, pour être en mesure de bien l'évaluer, mais c'est de trouver des façons de décrire ce qu'on a, d'être en mesure de mettre de l'avant les contenus qu'on a, de faire une mise à plat pour être en mesure de bien évaluer les choses. Là, on ne les voit pas tous très bien, mais quand on réalise une démarche de conception en architecture d'information, on a une étape qui est extrêmement importante, c'est l'étape d'évaluation. Pourquoi est-ce que cette étape-là est importante, l'évaluation de l'existant? Aujourd'hui, ça arrive qu'on a des nouvelles structures complètement, des nouveaux contenus, des nouveaux sites web. Ça arrive. Mais ça arrive aussi souvent que c'est l'inverse. On a un gros site web et puis on ne comprend plus trop ce qu'il y a là-dedans. Tout le monde a fait des mises à jour sans trop être au courant de qui a fait quoi. Il y a toutes sortes de choses sur ce site-là. Et puis, mais en fait, on va avoir besoin parfois de fusionner deux sites, de faire des modifications, d'ajouter une grande section. Donc, la connaissance de l'existant, connaître ce qu'on a, évaluer ce qu'on a, mais en fait, c'est une grosse partie du travail de l'architecte d'information. L'évaluation, c'est compliqué. C'est difficile. C'est difficile en architecture d'information parce qu'il y a beaucoup d'acteurs différents qui sont responsables des contenus. Il y a beaucoup, on est obligé d'aller à travers différents silos de notre organisation qui ne fonctionne pas comme ça, qui est habitué que, bon, mais nous, on fait ce contenu-là, nous, on fait celui-là, nous, on fait celui-là. Puis, il n'y a pas vraiment de partage de connaissances entre les gens. Donc, notre travail, c'est d'aller voir tous ces gens-là. C'est compliqué. Ce qui est difficile aussi, c'est que justement, tout ça est invisible et difficile à saisir. Même actuellement, ça fait longtemps qu'on dit ça, que l'architecture d'information, c'est difficile à évaluer. Depuis les années 2000, on en parle. Garrett, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, je pense en 2010-2011, à un moment donné, fait un cri du cœur comme ça, où il disait, mais on n'est pas capable d'évaluer, on a beaucoup de difficultés à évaluer ce qu'on fait. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce que c'est bien fait? On ne le sait pas. Même actuellement, Jacob Nielsen a sorti en octobre 2016 les plus grands, le top 10 des problèmes de design web. Et puis, dans son top 10, en fait, quand on regarde bien, il y a plus de la moitié des problèmes qui sont des problèmes d'architecture d'information. Donc, il parle de concurrence entre certains liens, certaines catégories, des liens qui sont répétés, une surcharge d'informations. L'emplacement des contenus qui est au mauvais endroit, mais c'est des problèmes d'architecture d'information. Donc, on a des méthodes actuellement, on en a plusieurs, qui permettent d'évaluer le contenu. Okay? Donc, des méthodes qui sont des méthodes expertes, c'est-à-dire qu'on n'a pas de participants ou d'utilisateurs qui viennent dans le processus, et qu'on a des méthodes qui sont des méthodes qu'on appelle participatives, où là, on demande à des utilisateurs de venir nous aider ou nous guider dans nos choix et puis qui viennent nous aider à cibler des problèmes. Actuellement, une des méthodes qu'on dit, bon, ça c'est la méthode qui va rechercher tous les éléments, toutes les composantes de l'architecture d'information et qui est bonne pour des sites web de grande ampleur, c'est l'audit de contenu. Parce qu'on imaginerait mal faire des tests utilisateurs pour 10 000 pages, 100 000 pages web. Okay? Donc, on serait là encore dans plusieurs années et ça serait pas très productif. Donc, l'audit de contenu, normalement, est censé nous permettre de faire cette analyse-là. Qu'est-ce que c'est? Il y en a qui ont entendu le nom, il y en a qui en ont fait, il y en a qui se disent, bon, de quoi est-ce qu'elle parle? C'est une méthode d'évaluation experte qui consiste à identifier, dénombrer, décrire, évaluer les éléments de contenu en les confrontant à une liste de critères. Donc, en fait, simplement, ça nous donne une grille une grille Excel de ce type-là, où on a chacune de nos pages ici dans les rangées et où on les confronte à des critères qui sont dans les colonnes. OK? Le problème, c'est qu'actuellement, on a un déficit de recherche par rapport à l'audit de contenu et par rapport aux méthodes en général en architecture d'information. Les praticiens vont dire beaucoup de choses, vont développer beaucoup de choses, il y a beaucoup d'écrits, mais de façon à porter un regard systématique sur ce qui se dit, ça, il n'y a rien actuellement. Il n'y avait rien avant ma thèse. Et puis, il y a plusieurs chercheurs en architecture d'information, dont Resmini, qui nous dit « Commençons à s'intéresser à ce qui est développé par les praticiens. » Si on veut porter un regard de recherche, mais qui produit les contenus, qui produit la connaissance en ce moment? Mais c'est les praticiens. Donc, allons voir ce qu'ils disent, et puis allons voir, nous, qu'est-ce qu'on peut aller faire pour travailler avec eux et pour aider à faire évoluer la discipline en portant un regard peut-être un peu différent. Donc, c'est ce qui m'a amené à m'intéresser ici à cette méthode-là. Comment m'intéresser à ça? Comment est-ce que je vais faire des entretiens avec des experts qui font des audits de contenu? Est-ce que... je vais envoyer des questionnaires pour savoir comment l'audit de contenu est réalisé. Bon, j'ai pensé à toutes sortes de choses comme ça. En fait, je me suis dit, il existe tellement d'écrits, tellement de choses qui se disent. On peut imaginer que les gens qui écrivent sont des experts ou en tout cas pensent avoir une expertise assez grande pour être en mesure d'écrire par rapport à ça, que ce soit sur le web, que ce soit des livres. Donc, je me suis dit, allons voir ces manuels, allons voir ces écrits. D'autant plus qu'il y a certaines recherches sur la pratique de l'architecture d'information qui disent qu'actuellement, il y a beaucoup de gens qui travaillent, qui sont architectes d'information, peut-être qui ne portent pas nécessairement ce titre-là, mais qui font un travail d'architecture d'information, qui n'ont pas une formation de base en architecture d'information. Donc, comment ces gens-là font pour se former? Bien, une des façons, c'est qu'ils lisent ces livres-là. Lisent ces billets de blog-là. Donc, on peut penser que c'est cette façon-là dont c'est une façon privilégiée de transmission de connaissances. Donc, qu'est-ce qu'on transmet? Qu'est-ce qu'on transmet à ces gens-là? Okay. Donc, c'est ce que je suis allée voir. Mes objectifs, assez simples. Dresser un portrait des publications. Donc, quelles sont-elles? Dans quelle langue sont-elles? De quel pays proviennent-elles? Qui sont les auteurs? L'audit de contenu, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tout le monde le définit de la même façon? Est-ce que c'est l'unique terme qui est utilisé? Donc, des éléments comme ça. Regardez les activités, parce que c'est bien beau de dire, on fait une méthode, mais pour qu'il y ait une méthode, il faut qu'il y ait des étapes pour faire cette méthode-là. Dans un test utilisateur, mais on n'a pas juste un animateur, un utilisateur, puis on fait tester. On a une méthode, on a un protocole qu'on doit suivre. Mais c'est la même chose pour l'audit de contenu, c'est la même chose pour les autres méthodes. Donc, quelles sont les activités, quelles sont les étapes? Et ensuite de ça, mais comme la méthode nous dit qu'on confronte le contenu à des critères, mais quels sont ces critères? Okay? Donc, c'est la base. Sur quoi on se base? Sur quels critères on se base pour évaluer? Donc, en gros, c'est ça que j'ai fait dans ma recherche. Bon, rapidement, là, je ne vous explique pas tout, comment j'ai sélectionné mes ouvrages, tout ça. J'ai fait un beau petit logigramme ici qui explique tout ça. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que c'est important pour moi d'aller voir, oui, les livres, les ouvrages, qu'est-ce qui se dit, mais aussi documents web, billets de blog. Il y a beaucoup d'écrits qui passent par là. Hein? Si vous voyez là, sur Facebook ou LinkedIn, ou vous voyez tout ça passer, là, il s'en dit des choses. Donc, qu'est-ce qui se dit dans ces documents web-là? Aussi, je me suis dit, bien, je vais aller voir s'il y a des articles scientifiques, des actes de conférence d'un côté, aller voir ce qui se dit du côté scientifique. Donc, j'avais l'hypothèse qu'il n'y avait pas grand-chose, mais je me suis dit, bon, peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y a un grand pan de la recherche qui s'intéresse à ça. Donc, bon, tout un protocole de recherche pour sélectionner mes documents. Ce qui m'a mené finalement à avoir 105 ouvrages, 12 chapitres de livres, etc., 77 documents web, bien évidemment qu'il en existe plus que 77 qui parle de l'audit de contenu. Mais bon, j'avais un protocole qui me permettait d'aller voir les billets, les sites web, les documents web, qui avaient des auteurs qui avaient un certain degré de crédibilité. Okay? Donc, j'en parlerai plus si ça vous intéresse. Mais bon, ce que ça en m'a donné, c'est 200 publications. Ça a l'air d'un chiffre rond comme ça, mais je suis vraiment tombée à ça là, quand je suis tombée avec une certaine saturation de mon corpus. Ça a donné 200 publications. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis chacune des publications ou des parties de publications qui parlaient de l'audit de contenu. Je les ai intégrées. C'est un travail de moine hein, de faire ça. Donc, tout a été intégré dans un logiciel d'analyse comme ça, d'analyse quantitative, qualitative, quantitative. Et puis, j'ai codé à la main chaque élément pour essayer de ressortir ce que je voulais voir. Où est-ce qu'on parle des activités? Où est-ce qu'on parle des critères? Où est-ce qu'on parle des différentes caractéristiques? Donc, ça m'a donné bon, toutes sortes de tableaux, toutes sortes de choses. Et ce qui mène à, j'imagine, ce qui vous intéresse le plus, les résultats. Certains éléments par rapport au portrait du corpus. Premièrement, j'ai regardé le nombre de publications en fonction des années de publication. Donc, on peut voir que selon les publications, selon mon corpus, c'est une méthode qui est relativement récente. Parfois, on a l'impression qu'on en entend parler depuis longtemps, puis que ça a toujours été là. Mais non, en fait, c'est vraiment depuis 2002, puis même on voit là, depuis 2009-2010 qu'il y a une montée des publications par rapport au sujet. Le premier que j'ai trouvé, là, qui date de 1996, juste pour la petite anecdote, c'est une publication qui parle du logiciel, je ne sais pas comment vous le dites en France, Director. Bon. Je ne sais pas si vous avez, qui a déjà utilisé ça? Oui, vous ne soyez pas gêné. C'est un logiciel hein, de création de CD-ROM. Donc, où là, c'était le premier où on parlait de ça, puis on parlait de la programmation Lingo, pour ceux qui en ont déjà fait, heureusement ou malheureusement. Et puis, donc, c'est ça. On peut voir, ce qui est intéressant aussi ici, c'est qu'on a un début, on voit une popularité en 2010-2011. C'est à peu près en même temps qu'on a commencé à voir apparaître des titres de postes ou des titres de nouvelle expertise, si on veut, qui est qu'on appelle la stratégie de contenu, qui est très, très proche, très discipline sœur et même, à certains égards, jumelle de l'architecture d'information. Donc, c'est à peu près en même temps où c'est cette discipline-là qui s'intéresse encore plus justement à la qualité des contenus. C'est là on voit qu'il y a une apparition à peu près en même temps. Ensuite de ça, j'ai regardé d'où provenaient les publications. Moi, j'ai regardé celles qui étaient en anglais et en français parce que sinon, codé à la main des publications en chinois, j'aurais eu un peu de difficulté. Donc, je suis allée avec les langues que je connaissais. Donc, nombre de publications en fonction de leur provenance. On peut voir que c'est principalement états-unien, américain, en grande majorité, et en langue anglaise. Donc, sur mes 200 publications, j'en ai 196 qui sont en anglais et 4 en français. Donc, ça veut dire qu'il faut publier davantage en français. Il faut développer, il faut transférer les connaissances qui sont en anglais, puis les amener en français, développer un vocabulaire en français. Donc, ça, c'est une autre, ça pourrait être une autre conférence complètement. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres contenus dans d'autres langues, bien évidemment. Moi, je regardais l'anglais et le français. Mais disons qu'en voyant la forte majorité des contenus qui sont en anglais et qui proviennent des États-Unis, sachant aussi, bon, la plupart des experts, des grands experts qu'on connaît le plus proviennent des États-Unis, donc j'ai pas mal l'impression que c'est assez fidèle à la réalité. Ensuite de ça, j'ai regardé les statuts professionnels des auteurs. Donc, selon eux, que disent-ils? Que font-ils? J'ai regardé aussi, là, je ne l'ai pas mis ici, mais bon, si ça vous intéresse, j'ai regardé aussi quel titre ils se donnaient aussi. Est-ce qu'ils sont architectes d'information? Est-ce qu'ils sont plus en expérience utilisateur, stratégie de contenu? Puis bon, j'ai un beau nuage de mots-clés, je vous le montrerai si vous voulez, où j'ai 200 titres différents qu'ils se donnent eux-mêmes. Donc, vous avez raison si vous êtes un peu mélangé des fois. Qu'est-ce que ça fait, ce titre-là, celui-là, celui-là? C'est vrai qu'il y a toute une panoplie de titres différents qu'on utilise pour parler d'une expertise qui est semblable. Bon, je reviens ici. Une grande majorité de praticiens. Là, évidemment, il y en a beaucoup qui combinaient plusieurs titres, plusieurs statuts professionnels. Donc, évidemment que j'en ai pas qui sont uniquement conférenciers, là, mais souvent, c'était praticien, auteur, conférencier. On voit qu'il y a très peu de professeurs. Enseignants, c'était des gens qui enseignaient, mais qui n'étaient pas professeurs d'université, donc enseignants. Formateurs, c'était des gens qui s'intéressaient plutôt à, qui faisaient des formations en entreprise, par exemple. C'est pas surprenant, c'est ce qu'on dit depuis le début, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en architecture d'information, on lit des choses, on lit des opinions, on lit des commentaires, le commentaire de tel expert qui nous dit que, et puis on se dit, bon, ben c'est ça, c'est là-dessus qu'on se base, parce que c'est ça qu'on a comme données. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a des données factuelles. C'est vraiment ça, oui, effectivement, c'est ce qu'on disait, mais là, on peut le voir. Puis on imagine très bien que ça se généralise à plus que l'audit de contenu. Ça va être, on peut penser que c'est lié à toutes les méthodes et à la plupart des connaissances qui sont développées dans notre domaine. Ensuite de ça, j'ai regardé le nombre de l'appui documentaire, donc le nombre de références qui sont citées par publication. Donc, on parle de l'audit de contenu, c'est ceci, cela, voici les critères. Puis après ça, est-ce que les auteurs nous disent, mais si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir tel site. Moi ici, je me base ma liste de critères et à la base, celle de telle autre personne que je trouve intéressante. Bon, donc j'ai essayé de voir le lien qu'on faisait avec d'autres publications. Puis en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait très peu d'appui documentaire. Donc, dans 118 publications sur 200, il n'y a absolument rien. On ne dit pas, on n'amène pas le lecteur plus loin, on ne dit pas, ben moi, je me base sur quelque chose ici qui a été fait, puis je construis. Donc, 118 qui n'a rien. Uniquement 5 publications qui ont plus de 10 références, 10 liens vers des livres, vers des sites web. Ça nous a amené à... Ça nous a donné des indices, comme quoi notre hypothèse de départ, où on se disait, il y a beaucoup de contenu dispersé un peu partout, mais ça peut se comprendre, ça veut dire que comme il y a peu de références, bien, ça va être beaucoup le discours de l'expert lui-même qui va expliquer sa démarche, sans nécessairement parler de ce qui se fait autour, ce qui se fait ailleurs. Donc, on peut penser qu'il va y avoir une diversité de discours et peut-être un peu de cohérence entre les différents éléments. De ça, là, on est allé vraiment dans les éléments comme tels, dans le contenu de nos publications, caractéristiques, protocoles, critères, etc. Bon, on ne verra pas tout ça, mais c'était juste pour vous donner un peu, là, j'ai regardé tous ces éléments-là. Donc, le contexte d'utilisation, les compétences nécessaires pour faire un audit de contenu, critères, etc. Puis là, je me disais, comment est-ce que je vous présente ça sans que ce soit une liste? Bon, puis comment je les choisis, ces éléments-là, à vous présenter aujourd'hui? Puis je me suis dit, en fait, je vais y aller à l'envers. Je vais vous montrer les deux grands constats que j'ai faits, et puis après ça, je vais vous montrer ce qui est le plus représentatif de ces constats-là. Premièrement, premier constat, il y a une grande disparité entre les propos des auteurs. Donc, ça se vérifie, ce qu'on dit depuis le début, ça se vérifie à travers tout le corpus, partout, pour tous les éléments. Aussi, ce qui est plus surprenant, c'est que, je vous ai montré les deux définitions au début, Mais c'est que la méthode est plutôt le reflet d'une vision classique de l'architecture d'information. Donc, cette méthode-là, qui est censée aller chercher toutes les composantes de l'architecture d'information, ne va pas toutes les chercher. Va aller chercher beaucoup d'éléments plutôt liés au site web, à une vision un peu plus, c'est ça, un peu plus classique de l'architecture d'information. Disparité entre les auteurs, des exemples. Ça ici, en fait, j'ai répertorié toutes les, quand on nous disait quels sont les objectifs, pourquoi est-ce que je ferais un audit de contenu. J'ai répertorié 72 objectifs différents. Okay? Donc ça, c'est première partie et deuxième partie. Il y a des objectifs qui sont liés au contenu. Ce que je veux faire pour mon audit de contenu, c'est identifier les contenus, connaître le volume, comprendre la structure, l'organisation. C'est pour évaluer, identifier des problèmes, évaluer la qualité. J'en ai d'autres qui sont plus liés à l'organisation, à l'entreprise, en fait. Comprendre et améliorer la chaîne éditoriale, la gestion du contenu. D'autres qui sont liés plutôt à l'utilisateur, mais vous voyez, en fait, tout ce qui est dans la première colonne, c'est ceux qui ont été nommés le plus de fois, et puis ceux qui sont en plus petit, c'est ceux qui ont été le moins nommés. Donc, ceux qui sont les objectifs par rapport aux utilisateurs, mais il y en a beaucoup moins. Identifier les utilisateurs, cibler leurs besoins, etc. Et certains qui sont liés aux technologies, transférer un site vers un nouveau CMS ou SGC, le système de gestion de contenu, en français. Donc, ce qui est intéressant, c'est que on a 72 objectifs différents qui ne se trouvent pas, bien entendu, dans les 200 publications. Il y en a seulement 14 objectifs, c'est ceux qui sont dans la première colonne, qui se retrouvent dans plus de 20 publications. Donc, il y a assez peu de cohérence entre les différents éléments qui sont dits. Toutefois, il y a peu d'opposition. Les choses ne sont pas contradictoires, c'est plutôt complémentaire. Donc, en fait, ce que j'ai réalisé en faisant tous ces tableaux-là, j'en ai plusieurs pour toutes sortes de choses, j'ai réalisé qu'en fait, ce bilan-là, ce panorama-là, existait nulle part. Il a fallu que je passe des semaines, des mois, voire des années presque, à tout aller chercher, puis tout aller répertorier. Et puis, pour donner ça ici, qui est un tableau qui n'existe nulle part. Donc, ce panorama-là n'avait jamais été fait. Et ça peut être intéressant pour commencer une recherche, plus par rapport, bien, je vais m'intéresser plus aux objectifs. OK, bien maintenant, je sais, c'est ça la base de connaissances. Ça peut être pour un étudiant, quelqu'un qui fait un audit de contenu, dire, bien, pourquoi je ferais ça? Donc, bon, bien, ouais, juste en voyant la liste des objectifs, bien, ça peut m'aider à dire, ah, c'est vrai, moi, c'est plutôt pour ça, pour ça, pour ça, ce qui va m'aider à choisir des critères différents. Autre exemple, bon, là, ça a l'air compliqué comme ça. Je vais aller voir les étapes. Bon, les étapes, ça doit être à peu près tous pareils, comment on fait l'audit de contenu. Et puis, en fait, j'ai réalisé que j'avais seulement 11 publications sur 200 qui définissaient vraiment clairement des étapes. Premièrement, on fait ça, deuxièmement, on fait ça, troisièmement, on fait ça. Bon, c'est ce qui est en haut ici qui est codé là, avec des chiffres et des lettres, là, LAM 14.0, tout ça, ça, c'est mes 11 publications qui nommaient des étapes. Là, en fait, j'ai tout pris ces étapes-là ensemble et j'ai essayé de donner du sens à tout ça, de les hiérarchiser et puis de mettre, bon, qu'est-ce qui pourrait être la première étape, deuxième étape, troisième étape. Et puis, bon, mais j'ai généré ce que j'ai appelé un protocole synthèse qui reprend tout ce qui a été dit. Et puis là, vous avez peut-être le corps du protocole. J'ai 50 activités différentes, OK? Donc, il faut faire ça, ensuite ça, ça, ça, ça. Plusieurs activités différentes, mais encore une fois, qui sont souvent nommées dans une seule publication. J'en ai un qui me dit qu'il faut que je fasse ça. J'en ai deux qui me dit qu'il faut que je fasse telle étape. Mais finalement, quand on met tout ensemble, ça fait un tout cohérent. Ça veut dire qu'il y a des trous dans ce qui est dit. Okay? Puis là, mais en mettant tout ça ensemble, bien, ça nous met un tout plus cohérent. Même si je regarde ici, ça ici, c'est tout en bas, ça me donne combien chaque publication, combien il me propose d'étapes. Donc, j'en ai une, celle qui me propose le plus d'étapes, il m'en propose 17. Celle qui m'en propose moins, il m'en propose 4. Il y a 4 grandes étapes. Lui, il y en a 17. J'en ai trouvé 50. Okay? Donc, même celui qui en propose le plus, en propose très peu par rapport à tout l'ensemble. Bon, les critères. Maintenant, c'est 50 étapes de protocole. Combien il y a de critères différents? OK? Ça sont là. OK? Vous ne pouvez pas les lire, mais c'est pour vous donner une idée, un tableau, une représentation, rendre l'invisible visible, pour voir l'ampleur, la tapisserie. 843 différents. Encore une fois, j'en ai 560 qui sont nommés une fois. J'en ai très peu qui sont nommés plus de 20 fois. On va voir lesquels, là. Vous allez voir quels sont les plus populaires. Juste pour le plaisir, je fais un petit calcul. Combien ça prendrait de temps si moi, comme architecte d'information, je renseigne tous ces critères-là? Donc, j'ai des critères, je me suis dit, il y en a qui prennent une minute à peu près. Il y en a qui prennent, disons, bon, un temps moyen, deux minutes. Et puis, ceux qui sont plus longs, qui prennent une trentaine de minutes. Et puis là, je suis conservatrice parce qu'il y en a certains qui peuvent prendre plusieurs heures. Mais je me suis dit, restons quand même de façon, c'est conservatrice. Donc, mon calcul me donne, pour une page, 2211 minutes, ce qui veut dire 36,85 heures pour une page. Donc, une semaine de travail pour un individu, pour une page. Quand on sait que les sites web, c'est assez rare qu'on va avoir besoin de faire un audit de contenu très, très détaillé pour un site web de 10 pages. Hein? Donc, habituellement, c'est quand c'est des gros sites. Donc, si on a 100 pages, ça nous donne 3685 heures, environ 153 jours pour 100 pages. Et bon, pour 1000 pages, 4,2 ans. Et pour 10 000 pages, ça nous donne 42 ans, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Attention. Okay? Donc, on ne parle pas d'heures, de semaines de travail. Donc, le site web a le temps d'exister, de mourir. Internet a le temps de plus exister avant qu'on ait fini de faire toute notre analyse. Donc, et puis, c'est très peu, on parle très peu de comment les sélectionner, ces critères-là. Okay? Donc, les auteurs vont nous donner une liste. Bon, mais ça, c'est ma liste. Et puis, il y en a d'autres, mais ça, c'est ma liste. Donc, OK. Puis, l'autre aussi qui donne sa liste, l'autre aussi. Mais comment on les sélectionne, c'est très peu dit, c'est très, très peu documenté. Donc, ça nous amène à des commentaires comme ça qui sont dans une de mes publications. Donc, je vous dis en français. Je connais beaucoup de gens qui aimeraient beaucoup mieux se centrer un crayon dans l'œil que d'être responsable d'un audit de contenu. Okay? Donc, on comprend pourquoi. On se dit, oh mon Dieu, ça doit être vraiment... Surtout que si on ne choisit pas des bons critères, puis qu'on sait que par la suite, on a 1000 pages à regarder, on veut être sûr qu'on a déterminé nos bons critères au départ. Donc, je sais, là, les étudiants, c'est ça toujours. Mais quel critère je prends? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je regarde? Donc, souvent, c'est ça. Ça va être en fonction... Merci. Mes objectifs en fonction de ce que je veux faire dire aussi à mon audit de contenu par la suite. Bon. Donc, rapidement, ça, c'est mes critères les plus populaires. Type de contenu, mettre notre commentaire. Donc, c'est des éléments qui sont assez évidents. Donc, plus en détail, c'est les mêmes éléments. Donc, celui qui est le plus populaire, bien, c'est... qui est dans 79 publications, le titre de la page. Donc, ce n'est pas une révélation, hein, évidemment, on imagine. Et puis, ben, ça, c'est ceux qui sont là dans plus de 20 publications, c'est tout. Après ça, toutes les autres là, sont plus loin. J'ai la liste complète, si vous la voulez, là, je pourrais vous la donner. On peut voir, par contre, encore une fois, que quand on prend, là, ça ici, c'est un exemple de tous les critères liés à qu'est-ce qu'on peut faire par rapport au contenu qu'on vient d'évaluer. Okay? Donc, on peut dire, ah, ben ça, ce contenu-là, je vais l'ajouter, je vais l'archiver, j'ai besoin de le valider, de le combiner, de le conserver, etc. Et puis, quand je mets tout ça ensemble, en fait, le seul là-dedans qui est dans ma liste de plus de 20 publications, ben, en fait, c'est celui-là, à supprimer, qui était ici, le troisième avant la fin. Mais pourtant, quand on met ça tout ensemble, c'est intéressant. On se dit, ben oui, c'est ça, toutes ces choses-là que je pourrais faire par rapport à mon contenu. Donc, OK. Vision classique de l'architecture d'information. Bon, c'est pour ça que je vous ai parlé de micro, macro, suprastructure. Donc, je vais vous montrer ça. J'ai regardé tous les termes qui étaient utilisés pour parler des canaux d'information. Donc, j'ai regardé quand est-ce qu'on utilisait le terme web. Quand est-ce qu'on utilisait, bon, tous les mots que j'ai pu voir, j'ai répertorié 55 canaux d'information différents. Je me disais, ah, c'est intéressant, OK. Donc, on a une vision des différents canaux possibles, tout ça. Puis après ça, je suis allée voir, bon, la ligne pointillée, c'est le nombre de publications par année, un peu comme vous avez vu au début. Puis après ça, mais est-ce qu'on voit vraiment que la courbe du web suit à peu près là, le nombre, les publications? Donc, site web. Quand on parle des autres canaux d'information, là, tout d'un coup, oui, ils sont nommés, mais je pense que Facebook est nommé 9 fois, quelque chose comme ça, sur 200. Okay? Donc, on parle beaucoup, beaucoup de site web, notre page web, et puis on ne parle pas beaucoup des autres canaux d'information possibles. De façon plus... une analyse que j'ai faite sur les... Ça, c'est les critères, ici, où les critères, je les ai catégorisés en fonction des cadres d'architecture d'information. Là, quels critères sont liés aux utilisateurs, quels sont liés à l'entreprise, quels sont liés au contenu. Okay? Donc, en bleu, c'est contenu. Logique, jusqu'ici, tout va bien. Contenu, c'est un audit de contenu. Critères par rapport au contenu. D'accord. Donc, ça va bien. Mais après ça, quand on regarde là, le détail, on se rend compte que j'en ai 403 qui sont liés à la microstructure, donc à l'analyse de la page comme telle. 84 à la macro, donc aux éléments qui sont dans ma hiérarchie, donc la relation entre les pages, ce qui est l'expertise de l'architecte d'information au départ plus classique, donc ces deux éléments-là. Ce qui est lié à la relation entre le site web et les autres réseaux sociaux, j'en ai 38 seulement. Ce que je vous disais, suprastructure tout à l'heure, site web, enfants, parents, structure enchâssée, zéro. Rien, c'est complètement absent des critères. Et ensuite, bon, exostructure, j'en ai 9, c'est des critères d'analyse comparative là, ou benchmark, comme vous dites en France. Ce qui nous amène à, bon, je pourrais continuer encore longtemps par rapport à ça, mais je pense que là, mon temps est écoulé. Ce qui nous amène à nos conclusions, qui nous disent que on peut ouvrir, je pense que cette recherche-là peut ouvrir la voie vers plus de recherches sur cette méthode-là, mais sur les méthodes en particulier, sur la capacité de l'analyse de corpus. Ah, on analyse des ouvrages, bon... est-ce que ça va nous donner quelque chose? Qu'est-ce que ça va nous donner comme information? Mais on voit que ça donne quelque chose d'extrêmement riche qui n'était pas possible d'avoir d'une autre façon. Donc, cette méthode-là, peut-être d'autres méthodes aussi. Il faudrait voir, là, je parlais avec certaines personnes l'année dernière, j'ai présenté certains résultats préliminaires là, à la Wyatt de Montréal l'année dernière, et puis je parlais avec des praticiens qui me disaient, ah oui, mais il faudrait le faire pour d'autres méthodes, ça. Il faudrait, on veut savoir toutes les autres, qu'est-ce qu'il y a, où sont les manques, où sont les faiblesses, où sont les éléments à améliorer. Donc ça nous donne des pistes, ça nous donne des pistes pour les critères notamment. OK, mais quels devraient, il y en a 843, mais c'est peut-être pas les bons. Quels sont nos critères? On a besoin pour avoir une vision transcanale, omnicanale des choses. Donc, qu'est-ce qui transcende le site web comme tel. Donc, c'est toutes des questions qu'on peut se poser. Le protocole, comment on doit faire? Mais peut-être qu'il faut se poser des questions sur, pour être en mesure de comparer deux évaluations de site web, mais il faut qu'on ait eu la même méthode, la même façon de faire, il faut qu'on ait eu les mêmes critères pour avoir une certaine réplicabilité de notre méthode, pour augmenter notre crédibilité aussi comme praticien, comme chercheur, comme enseignant en architecture d'information. Je pense que sur... parfait. Donc, je pense que ces résultats-là peuvent être utiles autant sur le plan de la recherche, mais aussi de la pratique et de l'enseignement, donc pour les étudiants en architecture de l'information. Donc, voilà. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Si quelqu'un a des questions, oui? Donc, merci pour votre présentation. Et je me demandais, de par la domination justement de, de la microstructure dans le corpus de publication, est-ce qu'on pourrait comparer dans une perspective historique l'audit de contenu à des pratiques d'inventaire de bibliothécaires justement? Parce qu'ils sont aussi face à de larges contenus non structurés, et dans ce cas-là, est-ce qu'on pourrait trouver un soutien méthodologique justement dans des pratiques de management de la connaissance ou d'ingénierie de la connaissance? Peut-être, peut-être, effectivement. Là, c'est pas mon domaine d'expertise, donc je peux pas aller plus loin de ce côté-là. Mais oui, possiblement qu'on pourrait aller voir de ce côté-là. Aussi, ce qu'on a des pratiques par rapport à l'audit ergonomique depuis un peu plus longtemps que par rapport à l'audit de contenu. Pourtant, dans les publications, je pense que j'ai aucune référence à l'audit ergonomique. Pourtant, il y a un lien très, très, très, très serré entre les deux. Et même, il y a beaucoup de critères d'audit de contenu qui sont finalement des critères ergonomiques, finalement. Donc, on pourrait aller voir aussi de ce côté-là. Il y a des normes, il y a une norme ISO pour l'audit de systèmes de management qui existe notamment. Et puis, bon, là, j'en parle dans la thèse. Là, je parle notamment, ils ont un protocole très, très, très, très élaboré. Donc, je dis qu'on pourrait aller voir aussi de ce côté-là. La norme ISO parle beaucoup de l'expertise de l'auditeur. C'est important. C'est une analyse experte. Qui est l'expert qui fait l'analyse? C'est assez peu abordé, ça, dans les publications. Donc, s'intéresser à mon auditeur, qui est-il? Qu'est-ce qui est en mesure de bien vérifier, lui? Est-ce qu'il a les capacités de me dire si le site est accessible, si la structure est bonne, si tout ça? Donc, c'est des pistes, là, oui, effectivement, qui sont intéressantes. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez, oui. Je voulais savoir si votre thèse était en ligne, si on pouvait la consulter. Elle le sera bientôt, dans les prochains mois. Là, ça sera sur c'est le répertoire de thèses de l'Université Laval, donc thèse.ulaval.ca, là, dans quelques mois, là, le temps que... je viens tout juste de faire ma soutenance, donc là, c'est dans les rouages, là, ça va être publié bientôt. Ouais. OK, merci. Je voulais savoir, dans le corpus que vous avez étudié, la place qui était donnée aux méthodes, justement, pas les méthodes expertes, mais celles qui impliquent les utilisateurs. Est-ce que c'était une place, est-ce qu'il y avait des choses vraiment notables ou c'était quasiment que des méthodes expertes? En fait, c'est sûr que moi, j'ai vraiment mis l'accent sur cette méthode-là. Donc, je cherchais plus, dès qu'il y avait, premièrement sur Amazon, je cherchais audit de contenu, je cherchais les livres vraiment qui parlaient de l'audit de contenu. Donc, c'est beaucoup sur cette analyse experte-là. Quoique, ce qui est intéressant, c'est que j'ai vu qu'on parle beaucoup de, oui, c'est une analyse experte, mais il y a plusieurs critères qui sont extrêmement difficiles pour l'architecte d'information quand il n'est pas expert de contenu. Est-ce que ce contenu-là est utile ou inutile? Comment est-ce qu'il détermine ça? C'est parfois évident si c'est le contenu qui date d'il y a 10-20 ans. Bon, c'est peut-être plus tellement pertinent. Mais il y a beaucoup de zones grises. Puis finalement, mais il y a certains auteurs qui offrent des solutions intéressantes en disant qu'en fait, c'est pas vrai que c'est une méthode complètement experte. Il y a une partie, oui, que les experts peuvent faire, puis il y a d'autres parties, en fait, que le client peut faire ou qu'un expert de contenu peut venir faire, où effectivement, ça peut nous donner aussi des pistes pour ensuite faire des méthodes participatives. Les endroits où on n'est pas sûr, on dit, ben moi, comme expert, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un problème de clarté, mais ce n'est pas 100% clair, donc je vais sélectionner ça ici, puis après, je vais faire un test utilisateur pour voir. Donc, en fait, c'est essayer de faire la jonction entre les deux méthodes. Il reste encore un peu de temps pour des questions. Bonjour. Bonjour. Cette méthode-là me fait penser à une expertise qui existe pour l'accessibilité numérique des pages web. Et dans les critères que vous aviez donnés sur les pertinences, la présence des titres, etc., ça fait assez penser à tous leurs outils. Et ça pourrait être aussi, vous disiez, des éléments et des supports, parce qu'ils ont toute une méthode de travail et puis des tableaux de reporting qui sont très, très précis. Oui, effectivement. C'est un peu plus évolué de ce côté-là. Et puis même, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi, de se dire, OK, tous ces audits-là, ergonomiques, d'accessibilité, audits SEO, audits de contenu, ça pourrait être une autre recherche de dire, finalement, qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce qui les distingue? Parce que des fois, on a l'impression, dans les 843, il n'y en a pas 843 qui sont vraiment audits de contenu. On a un des critères, c'est l'accessibilité. Donc, quand on rentre, il y en a un, c'est l'utilisabilité. Donc, ça veut dire que pour un critère, mais finalement, c'est pour ça que je vous disais, c'est pas une demi-heure pour voir l'utilisabilité, mais là, ça amène toute une autre liste de critères, ouais, effectivement. Merci, Isabelle. J'avais une question. Est-ce que c'est possible de... Enfin, est-ce qu'il y a des travaux sur l'architecture de l'information et de l'audit sur les pages Facebook ou sur les réseaux sociaux plutôt que sur les sites web? Sur l'audit comme tel, je ne penserais pas. Mais il y a des... je sais qu'il y a certaines recherches, là, je pourrais peut-être vous donner quelques références là, sur des analyses qui ont été faites sur... je pense notamment à une publication qui a été faite où on a étudié des quotidiens, certains quotidiens français, grands quotidiens français, puis quelle était leur stratégie pour la publication de leur contenu sur les réseaux sociaux. Donc, il y a certaines choses qui sont faites là-dessus, oui. Merci. Le temps pour une dernière question. Du coup, moi, je vais en poser une, si tu me permets. Merci. En utilisabilité, juste, on utilise des critères de Bastien Escapin qui sont partis d'une méta-analyse comme tu l'as fait. Oui. Est-ce qu'on peut imaginer demain, dans un futur proche, d'avoir justement un outil de... pour ça, pour l'audit de contenu? Ça fait partie des suites, effectivement. Puis l'année dernière, je discutais avec, justement, à la WAYAD à Montréal, avec un expert plus d'ergonomie, puis il me disait, mais là, ce que vous dites ici, en fait, c'est tellement la même réalité qu'on avait il y a quelques années avec les critères d'utilisabilité. On était pris avec plein de choses. Puis finalement, bien, il y a certains qui ont fait une liste qui regroupe plusieurs critères. Donc oui, effectivement, c'est un des travaux à faire. Il y a toutes sortes de choses à faire, pour faire évoluer notre discipline, pour qu'on devienne encore plus, encore meilleur, encore plus crédible, et puis faire évoluer les choses. Ouais. Désolé de t'embêter encore. Mais non. Est-ce que tu penses qu'on arrivera après à des sites qui seront entièrement personnalisés en termes d'architecture de l'information? Donc, en fonction des informations que ces sites collectent sur nous, qu'à chaque fois qu'on arrive sur un site, tous les contenus changent et s'adaptent à la façon dont on a de consommer un site? Peut-être. Je ne sais pas si j'aimerais qu'ils sachent autant d'informations sur moi pour qu'ils soient en mesure de me donner de façon aussi pointue ce que je veux. Mais oui, puis peut-être. Disons qu'on, c'est sûr qu'on s'en va. Il n'y a pas d'existant pour l'instant. Il n'y a pas de... ça, je peux difficilement répondre là, à cette question-là. Mais je pense qu'on travaille très... Il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent, de chercheurs, de praticiens qui travaillent très fort là-dessus, hein. Qui trace ce qu'on fait, puis qui essaie de créer, de générer des contenus en fonction de nos intérêts. Là. Merci beaucoup, Isabelle. Merci. Et à présent, je vous propose d'accueillir Mylène Pardoen, qui